histoire, c'est pour femme, c'est pour une dame. Ça s'appelle Tantanti dit Paul. Tantanti dit Paul, dans le lointain, cette musique. Il est minuit, j'allais fermer la fenêtre. Tantanti, cette musique, il y a 10 ans. Cette même musique, c'était le bal des conscrits. Tu dors? Mon mari dort. Ses chaussettes sont sur la descente de lit. 10 ans déjà que nous sommes mariés. Mon père m'avait dit, épouse donc Paul, c'est un bon parti. C'est vrai, j'ai presque rien à te reprocher. Presque rien. 10 ans déjà. T'entends-tu dans le lointain cette musique? 10 ans. Il y avait tout le village. Que de rire sous les flonflons de l'orchestre jusqu'à la buvette. Vous, les garçons, vous vous poursuiviez avec des bouteilles de vin blanc. C'était à celui qui réussirait à la mettre à l'envers dans la poche du pantalon de l'autre. Souvent, tu passais derrière moi, t'avais une grosse plaisanterie. Tu me tapais sur les fesses en disant « ça vaut la baie d'Arcachon ». Il y en a qui riaient. Moi, je riais aussi, pardi. C'est à ce moment-là qu'il est arrivé. Il est descendu de sa voiture de sport rouge. Il avait les yeux bleus comme son pull. Lentement, il a été à la buvette, il a commandé une bière. Et au moment de la boire, il m'a fixé. Je ne sais même pas s'il m'a invité à danser. Ce que je me souviens très bien, c'est que je me suis retrouvé dans ses bras. J'étais légère, légère. Lui ne montait pas sur les pieds. Il ne me disait pas de bêtises. Ça a duré peut-être 1 minute, 2 minutes, ou peut-être pour moi l'éternité. J'étais bien légère. Mon frère m'a pris par le bras. Et si ton fiancé te voyait? Ah oui, c'est vrai au fait. J'avais un fiancé. Alors il est reparti nonchalamment. Il a payé sa bière. Et au moment de remonter dans sa voiture, il m'a regardé. Et s'il m'avait dit... Viens, je l'aurais suivi. Ouais. Ah oui, je l'aurais suivi. Idiote! T'entends pas ton dernier nez qui chiale? Au lieu de parler toute seule, à des minuit, v'là que ma femme est folle maintenant. Oh non, Paul. Je suis pas folle. Je te disais tout simplement, t'entends-tu dans le lointain cette musique? Il y a 10 ans. C'était le bal des conscrits.